Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon! patreon.com/papacassette. Bonjour à tous et bienvenue chez Papa Cassette, épisode 83. J'espère que tout le monde va bien. En ce mardi 21 septembre, oui, au lendemain des élections fédérales, mesdames et messieurs. Alors j'espère que vous êtes tous allés voter, c'est très important. Mon café est chaud. Parce que si tu vas pas voter, t'as pas le droit de chialer, comme on dit. Hein? N'est-ce pas? Et puis, les résultats sont sortis ce matin. Je sais pas exactement à quoi ça ressemblait précisément l'année passée. Ben, pas l'année passée, mais au gouvernement précédent. À part que c'est libéral minoritaire, tu sais. Mais ça semble être la même crise d'affaires qui s'est passée hier. Et puis... Les élections fédérales, c'est comme... Ça nous démontre à quel point tout est divisé au pays, là, tu sais. Les gens sont pas divisés entre eux. Quoique, je vois beaucoup de Québec bashing, pareil, dans des posts, whatever, de partis, puis des affaires de même, tu sais. Ou peut-être qu'il y a juste, comme, je remarque juste cette minorité-là. Et puis, mais ouais, le monde chiale sur le Québec pas mal dans le restant du Canada. Ben, non, pas... Écoute, j'ai pas assez visité le reste du grand Canada au complet pour me faire une idée. J'imagine que tout le monde sont chill. Fait que tout le monde est chill, il y a des chialeux, et puis c'est ça. Mais on voit bien, là, tu sais, comme Québec, c'est bleu, bloc québécois. Après ça, l'Ontario, c'est rouge. Après ça, conservateur, plus dans l'ouest. Et puis, du orange au travers de ça. Tu sais, tu regardes la carte du Canada, c'est tout mélangé. Tout le monde a sa réalité. Chaque région a sa réalité. Puis, tu sais, comme... Fait que tout ça est décentralisé. Tout ça n'a pas de direction, tu sais. C'est très... c'est bric-à-brac, tu sais. Puis, je me demande à quel point ça sert à quelque chose tant que ça. C'est, tu sais, si c'était tout libéral ou si c'était tout conservateur, mettons, ça sera jamais tout NPD. Parti vert, ouf. Mais tu sais, si c'était tout quelque chose, peut-être qu'il y aurait des choses qui se passeraient. Mais il se passe des choses pareilles, là. Trudeau a légalisé le weed, man! Il l'a fait! Je fume pas de weed, mais ça a l'air de bien fonctionner parce que quand on était allé à Québec, j'ai arrêté dans un micro-play puis il y avait une SQDC à côté. Et puis, ça rentrait, ça sortait continuellement. Là. Puis ça, c'était à Beauport, là, tu sais. Chaque fois que j'en croise un à Montréal, que ce soit sur l'avenue Mont-Royal, il y en a un qui va sortir sur Masson, tu sais, comme, il y a full, il y a des line-up dehors, tu sais. Fait que tout ce bel argent-là, dans les poches, dans nos poches, pour faire des rues et puis des écoles. Donc, voilà. Ceci dit, je suis pas gêné de le dire, j'ai voté bloc, j'ai pas voté un candidat, j'ai voté un parti. Et puis, c'est bien certain que le bloc à l'extérieur du Québec, ça sert absolument à rien. Et puis, mais moi, je suis souverainiste. Et puis, je vois pas ce que ça donne de voter. Ben, donc selon ces convictions-là que j'ai, je vois pas ce que ça donne de voter autre chose. Et puis, les candidats étaient quand même intéressants. Dans Rosemont, c'était la jeune femme, là, avec le nom très long, très compliqué, que vous avez vu à Infoman. Et puis, très sympathique. Mais tu sais, Rosemont, c'est comme la Beauce. Je me sors pas de la Beauce. La Beauce, ça pourrait être, tu sais, libéral. Canada pourrait voter Parti vert au grand complet. La Beauce va voter conservateur. C'est comme ça. C'est toujours conservateur. T'sais, peu importe. Parce que là... C'était Maxime Bernier qui était conservateur. Là, la Beauce, il l'aimait. Ah, on l'aime. Puis, dans le temps de Stephen Harper, Harper était venu à Saint-Joseph-de-Beauce, mon village natal. T'sais. Puis là, c'était la Beauce, c'était conservateur. Là. Mais là, Bernier a perdu la carte complètement. Mais il est quand même deuxième dans les résultats, t'sais, en Beauce. C'était ce plouc-là d'imbécile avec son équipe de cabochons. Fait que y a rien que... T'sais, la Beauce, c'est ça. Fait que Rosemont, c'est la même affaire, sauf NPD. Parce que Alexandre Boulris, là, je sais pas qu'est-ce que c'est Alexandre. Fait pas longtemps que je suis là, je vois pas vraiment whatever, t'sais. On va se le dire, t'sais, la politique, peu importe qui gagne ou quoi que ce soit, les résultats, t'sais, on les sent pas, t'sais. Il se passe des affaires, ils nous annoncent qu'ils font des choses, ok, t'sais, mais... T'sais, personne ne sait vraiment là, les grands accomplissements de nos gouvernements, que ce soit provincial ou fédéral. Mais bref, j'imagine que Boulris fait quelque chose de bien parce que tout le monde vote à côté Boulris. Fait que le Québec pourrait, le Canada au complet pourrait être parti vert. Rosemont voterait Boulris. C'est ça qui s'est passé. Alors, ma petite candidate a terminé troisième, malheureusement. J'étais surpris, même. Les libéraux avaient plus de votes qu'elle, mais pas beaucoup. Alors, voilà. Puis, tu sais, moi, je dis que je suis souverainiste. C'est pas comme, tu fuck les Anglais, tabarnak, tu sais. Moi, je suis comme, je suis pas, tu sais, comme patriote, malade. Moi, je suis full. Moi, j'intègre les gens, tu sais, comme les langues, les origines, tout ça, là. Tout le monde est chill, là. Sauf, laissez vos religions ailleurs. Oubliez les religions. Là. S'il n'y avait pas de religion, on serait bien. Tout le monde ensemble se tienne par la main. Peu importe la couleur, la langue, là, il n'y a pas de religion. La terre, ça serait, il n'y aurait plus de guerre. On pourrait comme utiliser cet argent-là pour bâtir des encore plus belles rues. Mais malheureusement, il y a de la religion qui divise les gens. Mais cela dit, moi, j'intègre tout le monde et puis c'est fantastique. Et puis si je suis souverainiste, je pense que c'est parce que j'ai un tempérament d'entrepreneur, et puis je crois que le Québec a tout ce qu'il faut en tant que ressources naturelles, richesses, des idées, on exporte, on a ce qu'il faut. On est capable de se gérer nous-mêmes. Puis on voit bien, tu sais, d'avoir un gouvernement au-dessus de notre gouvernement, ben il faut que tu demandes la permission pour bien des affaires, tu sais. Puis moi, ce que j'aime présentement, avec la CAQ et de François Legault, c'est que François Legault, il ramène ça souvent, là. Puis lui, c'est un entrepreneur, tu sais. Lui, il a créé, pas lui tout seul, mais tu sais, comme Air Transat, tu sais, il est habitué, OK, on fait ça, on vend ça, on achète ça, on roule, bâtit une business. Lui, il gère le Québec comme ça, puis c'est ça que je trouve magnifique. Quand c'est rendu qu'il veut faire un truc, là, il y a des bâtons dans les roues, parce qu'il faut, tu sais, qu'il demande la permission en haut, ben, il est comme, il ronge son frein. Je le comprends parfaitement. J'aime ça quand les affaires fucking avancent, t'sais. Puis, il va pas le dire, t'sais, mais il est pas mal certain que François Legault est souverainiste lui aussi, ou du moins il voudrait avoir le Québec dans ses mains pour pouvoir en faire, t'sais, de quoi être vraiment plus grand que nature. Puis j'y crois en esti. Donc, je suis comme ça. Et puis, voilà. Voilà pourquoi je vote Bloc. Voilà pourquoi je vote Québécois avant tout. Et puis, moi, c'est Québec. Pas au détriment, tu sais, je vais ailleurs, là, je connais du monde, tu sais, je vais pas aller ailleurs, c'est une province de cul. Moi, j'aime tout le monde, à la base. Puis après ça, s'il y a du monde qui m'aime pas, ben c'est pas de ma faute. Mais c'est ça, parce qu'il y a du monde malheureux dans la vie. Mais tu sais, c'est très québécois aussi, tu sais, sera-t-on un pays un jour? Ça passait proche, puis au dernier référendum, puis j'étais ado dans ce temps-là, puis c'était très triste, tu sais, mais j'avais 14-15 ans, tu sais, c'est pas, je comprenais moins de choses qu'aujourd'hui, du moins j'avais une moins grande expérience de la vie, donc c'est ça, mais tu sais, je pense que c'est très québécois aussi de pas être branché nécessairement, de pas toujours avoir le guts qu'il faut pour aller en avant. Quand on voit qu'il y a des gens qui réussissent et qui ont du guts dans la vie au Québec, des fois on est comme oh, là, on est comme un peu jaloux, on remet en question, tu sais, fait que c'est très québécois de faire ça. T'sais. On n'est pas une nation si organisée, tu sais, comme tout est un peu tout croche, il y a ben trop de bureaucratie, les rues sont scrap. J'en parle beaucoup des rues, hein, mais le pire c'est que je suis en vélo, ça m'affecte même putain que ça. Mais tu sais, c'est pas drette le Québec, là. Mais c'est de party. Alors ça c'est nous, t'sais, on est fait de même, puis c'est très bien. Des fois ça me fatigue, des fois je me dis « Colin, je voudrais être danois, pas le chien, là. Je voudrais vivre. Hein? Je vais encore ramener des jokes de chiens aujourd'hui, puis d'animaux. Mais j'aimerais comme être un pays là, froid, là, t'sais, où est-ce que les gens se suicident tellement c'est plate, mais au moins c'est propre dehors, puis c'est drette, les finances sont drettes, tout va bien. Et puis, c'est ça. Mais j'imagine que j'ai pas ce tempérament-là tout le temps, non. Mais voilà. Donc, déjà 10 minutes de fête, j'ai parlé de politique, alors qu'aujourd'hui, c'est supposé être question du public. Et là, là, là, là. Avant de commencer les questions aussi, je voulais, tu sais, je vais continuer les chroniques des vidanges, parce que je pense que c'est important. J'ai fait une publication sur ma page personnelle il y a une couple de semaines par rapport à notre bac. Dehors, ici, on a un gros bac pour les poubelles et un gros bac, tu sais, les gros bacs debout, là, pour le recyclage. Et puis, on s'est fait voler les roues de notre bac de recyclage. Fait que là, quand on veut mettre le recyclage au chemin, il faut traîner ça sur l'asphalte. Puis là, ben, c'est ça. T'sais, j'ai demandé à la ville pour me faire, pour avoir d'autres roues. Ils ont dit oui, oui, oui, ils ont jamais donné. Fait que là, c'est ça. Donc, il y a des hosties pauvres qui nous ont volé nos roues de bac de recyclage. Et puis, ça fait une couple de semaines. Et puis, cette semaine, hier, le lundi matin, ça passe très tôt le recyclage. Donc, c'est bien stressant. Moi, faut que je m'occupe de ça, c'ti. Fait que, il y a, je pense, un dépanneur qui a pris toutes ses poubelles de recyclage. Puis, il a dompé ça dans notre bac à recyclage, qui était au un tiers plein. Et puis, eux, ils l'ont rempli jusqu'à ce que ça ferme plus, que ça déborde partout à terre, puis ils en ont mis aussi dans notre poubelle. Comment je fais pour savoir que c'est du dépanneur? C'était plein de billets de loto déchirés ou pas bons, des crêtes de bière, des crêtes de boîte de Joe Louis, tu sais. Ça se peut pas qu'un humain chez eux ait tous ces gratteux-là, tu sais, puis que, tu sais. Fait que c'est clairement un dépanneur. Là, il y en a une couple là, de dépanneurs autour, là, des dépanneurs de coins de rue de Montréal, là, des dépanneurs de Guénée, là. Fait qu'il y en a un hostie là-dedans. Puis là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, moi, après ça? Bon, je transfère un surplus de mât. Tu sais, puis ça se récupère pas, là. J'en suis convaincu. Des billets de loto déchirés en morceaux, là. C'est des vidanges, ça, même. Fait qu'en tout cas, là, il y en a. C'est petit, tu sais, c'est volatile. Il y en a partout à terre. Il y en a partout. Faut que je mette ça dans mon bac à vidange. Tu sais, que je retransfère d'un à l'autre. Sors le balai, j'ai pas vraiment de balai ici, on a juste un balai à l'intérieur. Tu vois, un petit balai pour ramasser les cochonneries, je me mets les mains là-dedans, pis tout lundi matin. Fait que, tabarnak, man. Ça, c'est. J'aime ça la ville, pis je vais tout le temps dire que j'aime la ville et tout, mais. c'est un côté petit désagréable, ça, d'être dans un quartier où est-ce qu'il faut que tu subisses la crotte de marde, de crise de chien des autres, pis les vidanges des autres, pis les tout croches qui font n'importe quoi. C'est très, très, très fâche. J'ai pris des photos de ça, d'ailleurs. Je vais sûrement... Ouais, je vais faire une publication Facebook sur ma page Papa Cassette, comme je le fais de temps en temps quand j'ai des photos pour des affaires qui arrivent. Et puis, vous allez voir la beauté de mon lundi matin, ici. C'est pas les arcs-en-ciel, les oiseaux, les beaux bonjours. C'est « Mets-toi les mains dans la marde, buddy. Les vidanges passent dans pas long. » Oh. Alors, on va commencer avec les questions du public. Parce que effectivement, à part des élections fédérales et des bacs à vidange, c'est pas passé vraiment grand chose. J'ai été tranquille en fin de semaine, fait que. Mais en transition, juste pour Retro MTL, il y a comme un step qui s'est confirmé pour une étape de développement ici qui va pas changer grand chose pour vous, mais qui, moi, me remplit de bonheur et puis j'ai bien hâte que ça se fasse. Puis de cette étape-là va découler d'autres affaires, du moins je l'espère, alors ça c'est excitant. Et puis j'aurai la chance de vous en parler très bientôt. Fait que je vais commencer en fait avec les questions Patreon, parce que j'ai des Patreon, savez-vous. Et puis ils m'ont posé les questions, alors vu qu'ils payent, ben c'est par eux autres qu'on commence. Larry me demande, question podcast, ouais. Quelles sont tes plus grandes ambitions, genre ceux que tu n'as pas nécessairement dit encore, tellement que c'est big pour nous, pauvres paysans? C'est très drôle. Vous savez, je parle souvent d'un troisième projet relié à la bière, tu sais, fait que ça, c'est une chose. Côté ambition, tu sais, c'est dur à dire, tu sais, je suis tellement dans mes affaires présentement, mais... Tu sais, je parlais de politique tantôt. J'haïrais peut-être pas ça à être en politique. Tu sais, j'aime ça m'obstiner. J'aime ça comme faire valoir des points. Tu sais, puis je suis capable aussi de reconnaître les points des autres. Je pense que je serais bon pour débattre puis discuter puis essayer de convaincre les gens. Tu sais, de marcher de l'avant et puis de. Puis je pense que je suis doté d'un sens critique et que je prends des bonnes décisions et que je peux challenger des choses. Et tout ça pour le bienfait de mes entreprises, ma famille et de mes sphères de ma vie. Fait que, tu sais, j'ai pas... Je m'en rends pas compte, mais je pense que je suis rassembleur, tu sais, d'une certaine façon. Avoir, comme vous, m'écouter présentement, avoir mes amis autour, tu sais, le genre de cercle que je me... qui s'est créé autour de mes projets, tu sais. Là, je dis ça, je me vante pas ni rien, je fais juste comme... Fait que c'est ça, avec mes employés, ça va bien, tu sais, que je devrais serrer la vis un petit peu plus des fois même. Mais je pense que mes employés apprécient ma façon de gérer et puis tout ça. Donc, je vous dirais que, pour répondre à cette question-là, faire de la politique, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Cependant, je sais pas si j'ai les capacités mentales d'être capable de le faire, au sens que il faut vraiment... Tu sais, il faut... Ben, avant ça, il y a aussi, mettons, je me présente dans Rosemont là, l'année prochaine, comme ma petite candidate de 21 ans. Tu sais, il faut que tu fasses beaucoup de porte-à-porte. Faut que tu parles aux gens énormément, puis tout. Puis là, moi, présentement, ce que je subis, c'est un petit peu l'inverse, tu sais. Les gens me pèsent un peu. Mais c'est beaucoup aussi parce que les gens, ils genre, mon affaire est brisée, tu m'aides, combien tu me donnes pour ça? Tu sais, c'est. Dans le fond, c'est moi, je fais du service à la clientèle présentement. C'est pas moi qui va vers les gens pour leur expliquer, tu sais, le futur. C'est les gens qui me poke pour me dire qu'est-ce qui marche pas, tu sais. Fait que. C'est pas pareil, tu sais. Donc, mais oui, peut-être sauvage, là, je sais pas, là, tu sais. Mais pourtant, tu sais, je suis capable de parler très longtemps à des gens qui m'intéressent pas. Non, mais faut en faire, tu sais, en magasin, du blabla puis des affaires comme ça. Fait que, tu sais, je suis bien bon là-dedans. Fait que, mettons, est-ce que ça requiert, c'est-à-dire de parler à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens tout le temps? Peut-être ça me tannerait. Je sais pas. Faudrait que j'essaye. Si je crois vraiment en ce que j'ai à présenter, puis comme je suis comme ça, là, d'où ça, c'est bon pour toi, tu sais, ça sortirait bien, peut-être, là. Et puis, mais c'est ça, il faut connaître beaucoup de choses, tu sais, puis moi, je connais pas grand-chose, là. Je veux dire, les vous chiez, là, sur les Justin Trudeau, puis François Legault, puis tout le monde qui nous gouverne. Ces gens-là sont crissement intelligents, tu sais. Ils connaissent l'histoire, ils connaissent le droit, ils connaissent la politique, ils connaissent l'argent. Toi, tu connais rien de ça. Hein? Moi non plus. Fait que faut que tu l'apprennes, ça. Et puis, tu sais, vas-y en faire un débat des chefs, tu sais, voir de quoi tu vas avoir de l'air, là. T'sais, c'est pas évident, là, tu sais. Puis il faut connaître son shit, là. Puis ça, c'est pas évident, tu sais. Par contre, je pense qu'il y a moyen de pas tout connaître et de quand même réussir. Puis c'est là que je vois la... T'as pas besoin de tout connaître dans la vie pour être doté de gros bon sens et puis de le mettre dans la tête du monde, tu sais. Fait que moi, c'est un peu de même que je pense que peut-être, un jour, je pourrais peut-être faire de la politique. Fait que voilà. Mais je suis pas rendu là. Pas du tout. T'es trop jeune! Donc, dans les Patreons, il y a Kevin Boily qui rajoute en sous-question trois points phonés. Donc, les grands projets. 1. Ajouter les jeux vidéo aux archives nationales. Ça pourrait être intéressant, hein, j'imagine. Ou même avoir un genre de musée de jeux vidéo, tu sais. J'ai longtemps pensé à ça, surtout parce que j'ai besoin d'espace. Puis, tu sais, moi, j'ai des jeux vidéo beaucoup. J'ai plein d'amis qui ont plein de jeux vidéo. Je me dis, Chris, il y a des musées de jeux vidéo, des affaires qui existent un peu partout aux États-Unis. Puis, ils n'ont même pas esti la moitié de tout ce qu'on a combiné, nous autres. Fait que, puis, tu sais, ils nous passent plein d'affaires entre les mains ici, chez Retro MTL. Des belles pièces, là, des affaires rares, tout ça. Puis, tu sais, on les revend, puis ça circule, puis ça bouge, puis ça disparaît. Tu sais, man, on peut faire un musée là, de toutes ces affaires-là, là, tu sais. Puis j'y ai souvent pensé, mais comment faire de l'argent avec un fucking musée, là, tu sais. Les gens vont-tu payer 10$, 20$ l'entrée pour venir voir des cassettes dans un display, essayer de jouer à Mario 3, puis s'en aller? Peut-être, si c'est bien situé, si c'est bien vendu, si on a des subventions, si y a des petits événements, si c'est ça. Tout ça, ça pourrait être intéressant, tu sais. Mais j'ai pas... ben là, je suis pas là-dedans. J'ai pas la force de partir cette affaire-là ou de me plonger là-dessus. Mais c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Son deuxième point, instaurer les arcades soleil. Donc, si vous écoutez Rétro Nouveau, vous avez entendu parler des arcades soleil. C'est en référence aux résidences soleil pour personnes âgées. Sauf que nous autres, on se disait, nous, notre gang d'amis, on va comme tout se cotiser, puis on va acheter une grosse bâtisse, puis on va faire des arcades soleil là-dedans. On va mettre des arcades, des consoles, du gaming partout, puis on va finir nos vieux jours là-dedans, puis crever avec une manette dans nos mains en mangeant des pogos. Donc, les arcades soleil. Et on va faire ça. Ou troisième point, acheter Kanata. Ça, c'est notre espace à... Voyons. à Tremblant qu'on loue pour faire le WEG. Et enfin, le centre récréatif dédié aux jeux vidéo dans le monde. Ramasser les profits, réinjecter ça dans le projet 1, les archives nationales. Ça, c'est une affaire aussi de faire un genre de chalet. Tu sais, nous, on loue un chalet, on apporte du gaming, on game, puis on s'en va. Je me dis, mais guys, on se cotise, on achète un chalet, on laisse tout ça là, on loue à l'année, Airbnb, c'est le chalet gaming, tu sais. Ça pourrait être pas pire pendant tout. Mais bon, hein, c'est tous des beaux projets. Autre question de Antonin. Après le Super Nintendo, ça va être quoi les objectifs de collection? Le Griforce va être terminé, donc le NES Super NES Game Boy. Et ça va être quoi après ça? Donc la collection va juste se revirer sur la Switch ou full set Nintendo 64. C'est drôle que tu parles de ça parce que par rapport à la 64, parce que je me disais, le Griforce, c'est NES Super NES Game Boy, c'est toutes les cassettes grises que Nintendo ont faites. T'sais, quand t'as Griforce, c'est réglé. Mais là, c'est comme, gris, attends un peu, là, il y a des jeux de 64, ils sont gris. Là, faudrait-tu que je fasse le full set 64 aussi, même si cette console-là m'intéresse zéro. Bien que pour être sûr d'avoir toutes les cassettes grises de Nintendo. Puis là, on m'a fait remarquer aussi, t'as peu, Virtual Boy aussi, c'est gris, là. C'est comme, oh, boy, là, c'est des problèmes, ça, c'est des problèmes. Mais non, pour vrai, après Super NES, puis tu sais, là, on parle de ça comme si c'était fait, là, j'ai du pain sur la planche, hein, guys, puis de l'argent à mettre, là, c'est pas, ça va quand même vite ces temps-ci, parce que je ramasse la crap, ça, c'est pas compliqué, là, mais ça sera pas si facile que ça, je pense. Mais c'est vraiment, c'est dans mon objectif, là, quand je vise, je sais que ça se fasse. Fait que, non, après ça, pour vrai, il y aura pas d'autres full set, tu sais, je vais continuer de ramasser des petits jeux à gauche. Je vais ramasser des boîtes délivrées de jeux que je trouve nice ou que j'aime beaucoup. Puis ça, je le fais tout le temps en parallèle. Surtout NES, Super NES, Game Boy, bien sûr. Tu sais, Genesis, ça va, j'ai tout ce qu'il me faut. Tu sais, je m'amuse à ramasser des petites choses. Oui, il manque 3-4 jeux que j'aimerais avoir, tu sais, qui. D'ailleurs, je vais vous dire lesquels. Il y en a un que je cherche dans la nature, tu sais, tout le temps, puis tu sais, je pourrais l'acheter sur... Je m'en fous, je jouerai pas, tu sais, c'est sûr. Mais c'est un jeu que je veux avoir parce que c'est rare, et puis c'est un grand classique. J'aimerais avoir Oregon Trail. C'est un... Oregon Trail est un... Je vais vous le montrer ici. Ce jeu-là. Donc, on le voit jamais, là, tu sais. Puis Oregon Trail, c'est un jeu de... C'est un jeu qui vaut complet 60$ présentement, et puis c'est un jeu éducatif, tu sais, pour les jeunes dans le temps. C'est une vieille affaire là, sur PC. Puis on fait une version Wii, alors j'aimerais ça avoir ça, pas pour jouer, juste pour le lore que c'est. Domino Rally, Dragon's Lair Trilogy, et puis Wicked Monster Blast. Donc tout de 4 jeux de Wii que je désire. Donc je chasse ça sur le site. Je commence aussi à ramasser le rubis. Non. L'émeraude, c'est-à-dire le Game Boy Color, petite cassette verte translucide, c'est vert comme une émeraude. Et puis, attends un peu, les émeraudes, c'est-tu vert? Hey, moi qui collectionnais les roches quand j'étais petit, et les minéraux. Je ramasse l'émeraude, et puis l'émeraude qui est nice, là, genre Metal Gear Solid là, que j'aimerais avoir, et puis, je l'ai noté aussi dans mes affaires, je vais vous dire ça. Je vais vous dire ça, Game Boy, dans ma Wanted List, il y en a des pas pires là-dedans. 1942, donc je serais curieux d'essayer ce schmop-là au Game Boy Color, voir comment ça a été refait. Bionic Commando Elite Forces, curieux de réessayer ça. Blaster Master Enemy Below, qui ressemble beaucoup au Blaster Master 1 sur NES, mais comme refait un peu. Elevator Action EX, classique. Ici, j'ai McDonald's Land. Là, je ne sais pas si c'est PAL. Ça, on dirait que non. Curieux d'essayer ça, bien sûr. Metal Gear Solid, je l'ai dit. Il paraît que c'est un grand jeu. Motocross Maniacs 2. Je savais même pas qu'il y avait ça. Il y a ça au Game Boy Color. Moi, j'adorais le premier. Parasol Stars. Ça, c'est un jeu PAL. J'aimerais savoir ça. Je l'avais au TurboGrafx-16. Très cool jeu à Bubble. Je pense que c'est dans la même série. Parodius, qui est c'est une parodie de Gradius, donc un shmup avec des bonhommes funny. Ça aussi, c'est PAL. Return of the Ninja, qui est un action platformer de ninja à la... j'oserais peut-être dire Ninja Gaiden, Shadow of the Ninja, mais très très très slow, là. Pas ça accroche autant que ça. Mais c'est un jeu ça qui est rendu à 220$ et qui va continuer de monter, donc watch out. Sergeant Rock, On the Frontline, qui est un jeu de style commando sur Atari, là, qui ça reprend Frontline en fait, mais un petit peu plus boosté. Starhawk, hein, qui est un shmup pâle aussi, très en demande, dont Limited Run, on va ressortir ça, eux autres, hein, comme en boîte, là, ils vont refaire ça, c'est que ça n'a pas rapport. Et puis Toki Tori, qui je pense est un platformer de petits pingouins comme ça, là. Ben petit poussin, je sais pas quoi, là. Je me rappelle plus pourquoi j'ai mis ça en Wanted, mais il paraît que c'est bien bon. Fait que, donc oui, je ramasse ces petites affaires-là, on the side, des petits ci, des petits ça. Mais pour répondre officiellement à la question, après le full set du Super NES, tu sais, j'ai un full set Intellivision, mais que je veux finir un jour, mais j'en ai pour des milliers de dollars là, à acheter des jeux pas trouvables. Fait que je pense, je sais pas quoi faire avec ça. Là. Je laisse dormir si l'occasion se présente, mais je cherche pas ces jeux-là. C'est trop cher, c'est pas trouvable, c'est décourageant. Fait que c'est ça. Donc, Antonin, finalement, t'as raison. Je pense que quand je vais avoir fini le full set Super NES, à part ramasser des Pécadilles à gauche, à droite, je vais complètement comme me laisser transporter par la Switch et puis acheter des jeux Switch pour jouer. Puis, en ayant bien hâte de voir qu'est-ce que ça va devenir la Switch par la suite. Donc, maintenant, on répond aux questions. Yann Longueuil. Ah, ça, je vais reprendre encore un peu de café, là. Copropriétaire de Microbrasserie Pixel, en passant. Hein. C'est lui, si vous aimez les canettes, c'est lui qui fait le design. Yann Longueuil, donc, tu peux peut-être faire un petit topo sur le décès de l'artiste McGinty, je sais pas comment le dire, et faire un retour sur les pochettes mémorables. En même temps, un petit top 3-5 de tes pochettes rétro préférées, que ce soit celui-là ou un autre. Donc, ouais, vous avez peut-être vu la nouvelle passer. Je connaissais pas cet illustrateur-là, mais j'ai vu comme vous des pochettes. Je vais en nommer quelques-unes ici. Street Fighter 2 au Super NES, Streets of Rage 2, Streets of Rage 3 au Genesis, Shining Force au Genesis, Kid Caméléon au Genesis, et puis Street Fighter au Genesis, je l'étudie. Là, je le trouve vraiment beau. C'est Luke Bison et Kid Guile. Là. J'aime beaucoup cette illustration-là, je trouve très belle. Kid Caméléon, hein. Tout ça, ça ressemble. Il a fait beaucoup de Street Fighter, à ce que je comprends. Pas juste des réussites, à mon avis. Là. Donc, dommage. Shining Force, ouais, ça, c'est magnifique. Là. La belle grosse illustration de Shining Force. Mais tu sais, il y a de quoi avec ces dessins-là. Pareil, ils sont tout un petit peu cheesy. Tu sais, c'est pas... L'action est pas parfaite, là, tu sais, de la façon que les choses kick, de la façon que... Il y a un petit, c'est un petit peu fromageux là, sur le side, mais écoute, c'est des pochettes ça qui nous... c'est dans nos souvenirs pour toujours, n'est-ce pas? Alors, dommage. Si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus sur cet artiste, qui a fait bien d'autres choses aussi, hein, pas juste des jeux vidéo en passant. On en sent souvent Tom Dubois, ben ça, c'en est un autre. Là, t'sais. Il y en a un autre qui fait les covers d'Atari, qui en a fait plein. Là. Attends. Atari Artwork Artist. Parce que la question demande aussi de si j'ai des tops de d'autres. Oui, certainement. Comment il s'appelle celui? Il a fait Millipede et tout. Dans mon gros livre là, d'illustration Atari, là, j'ai il y en a plein. Là. Attends un peu. Là, ça fait pas de la bonne TV. Je suis vraiment désolé. J'arrive pas à trouver. Mais top 5, 3-5 de pochettes, man, c'est très dur à faire. C'est bien certain que pour moi, Castlevania 1 au NES demeure une pochette que j'adore. Castlevania 2, Game Boy. Les pochettes de Tom Dubois, tu sais, il y en a énormément. Là. Tout son travail qu'il a fait pour Konami, là, c'est tout très beau. Là, mais non, ça, mettons, là, Castlevania 1 au NES. Faut pas passer trop vite sur l'Intellivision et l'Atari, sérieux. Atari, il y a des pochettes là-dedans. Galaxian, j'ai souvent aimé ça, mais je trouve qu'il y en a des meilleurs. Moon Patrol sur Atari 2600, j'adore cette pochette-là. Haunted House, Atari 2600, j'adore cette pochette-là. Au Super Nintendo. Actraiser 1, tu sais, c'est pas un grand. Mais je sais pas, quand je vois cette image-là, ça me parle beaucoup. Là, dans les consoles modernes. Oh man, quelle question compliquée. Top. Attends. Je cherche sur Switch, là. Il doit y en avoir une coupe, là. Je sais plus. C'est trop. Il y en a trop, man. Il y en a trop. C'est ça qui arrive, hein? Je lis pas les questions avant de faire le show, alors j'ai de la misère quand il arrive des questions comme ça. Mais je pense que j'ai trouvé le titre, le nom de la personne, l'illustrateur chez Atari. Steve Hendricks, vois-tu, c'est lui qui a fait Yars Revenge, qui a fait Haunted House, ces affaires-là, donc il a fait pas mal, donc j'aime beaucoup ce qu'il fait, à moins que ce soit Cliff Spawn, c'est peut-être lui. Cliff Spawn, il a fait beaucoup de sport, il en a fait beaucoup chez Atari aussi. Mais non, c'est pas dans mon top. Bref, en tout cas. Man, Intellivision, Atari, tout ça, c'est magnifique. Prochaine question de François Clermont. Te considères-tu comme quelqu'un de stressé dans la vie? Est-ce que le fait d'être collectionneur est stressant pour toi ou un plaisir? Ça, c'est une drôle de question. Je suis pas stressé dans la vie, personnellement. Je fais beaucoup de choses. Ma tête est beaucoup pleine et puis je fais beaucoup de choses en même temps. Ou des fois pas. Ou des fois je fais rien parce que ma tête est trop pleine puis là je jamme. T'sais. Comme là quand je vais raccrocher, ici il faut que j'appelle mes assurances. J'ai un fuck de carte de crédit à régler. J'ai des évaluations qui sont rentrées, il faut que je les fasse. J'ai mille choses à faire. Puis là, je pense que je vais avoir de la misère à commencer à les faire parce qu'il y en a trop à faire. T'sais. Je ne saurais pas par où commencer. Donc, c'est ça. J'ai comme. Puis, c'est dans ma famille, ça. On a tendance à trouver que tout devient une montagne. T'sais. Ma sœur est beaucoup comme ça aussi. Là. OK, telle affaire, parce qu'il y a trop de choses à faire. Puis là, c'est. Hein. Donc, on abat des montagnes. On le fait. Mais on trouve ça gros. T'sais. Fait que c'est ça. Puis, je pense que c'est pour ça aussi qu'en affaires, j'essaie de m'entourer de gens qui sont complémentaires à moi parce que j'arrive pas, j'ai pas la force, je serais épuisé d'essayer de tout faire, tu sais. Puis, je pense que c'est pour ça qu'il y a des gens qui réussissent très bien dans la vie puis qui sont big, que ça soit le chanteur de Ghost ou que ça soit François Lambert ou que ce soit celui qui a inventé Tesla, ou bien que ce soit Steve Jobs, je pense que c'est des gens ça, qui sont capables de faire énormément de choses et de traiter plusieurs départements et dossiers par eux-mêmes et puis qui réussissent à monter comme ça. T'sais. Fait que c'est une forme d'intelligence que j'admire beaucoup et puis que j'ai pas 100%, puis vous non plus, sinon vous seriez tous riches et millionnaires et auriez des projets présentement. Alors, on peut pas tout avoir dans la vie, mais pour répondre à la question, je suis pas stressé, non, je suis pas stressé, là. Je suis assez relax. Mais, ouais, je suis pas, tu sais, dans la maison, je suis pas... Ben là, j'ai 41 ans aussi. J'ai eu des époques de ma vie où est-ce que j'étais énormément stressé, tu sais, de 25 à 30, tu sais, quand j'allais travailler, j'étais comme je m'en faisais beaucoup avec beaucoup de choses. Et puis est-ce que tout est correct, c'est le travail, comment je m'habille, tu sais. À cette heure, man, c'est à peine si je vais pas en pyjama acheter des fruits à la fruiterie, je m'en calisse là, tu sais. Puis c'est ça. Fait que là, j'ai beaucoup de hey, ça, c'est pas grave, ça. Tu sais, on se stresse pas avec ça, il y a pas de problème. Tu sais, à force de vivre des choses, de faire des moves, de subir des contre-coups, tu sais, comme tu acquiers une certaine sagesse qui fait qu'il y a moins d'affaires qui te stressent. Puis, je pense que les gens qui sont vraiment plus vieux, s'ils ont bien géré leur vie, ils devraient plus être très, très stressés, là, tu sais. Mais il y a aussi comment on est fait, là, tu sais. Fait que c'est ça. Et puis, pour répondre à la deuxième question, être collectionneur, si c'est stressant, c'est pas stressant, sinon, je le ferais pas. Sinon, j'aurais débarrassé tout ça, tu sais, je vivrais pas sous forme, ça comme une forme de stress. C'est une drôle de question, Mais peut-être qu'il peut avoir des moments stressants quand t'as peur de rater une opportunité ou un deal payé trop cher. C'est pas stressant, mais collectionner à un certain niveau, c'est quand même du travail quand tu décides de t'investir là-dedans. Parce que comme hier, justement, moi je changeais des bacs de jeux de Super NES. Je veux que mon full set Super NES, il y avait tous des bacs parfaits. Il n'y a aucun bac déchiré. Quand il y a une carte un peu jaunie, je le note. Et puis, tu sais, je veux que ça, mes sets ils soient parfaits. Tout est en ordre alphabétique. Tout est pensé et contrôlé dans la façon que c'est display. Je veux que le display soit propre. Pour moi, ça, c'est très important. Parce que je suis fait de même. Mais il y en a un que non. Tu sais, on rachète des jeux ici, man. C'est sale, là. C'est dégueulasse. C'est tout croche, tu sais. chacun a sa façon d'être. Donc peut-être que ça peut être stressant pour moi, j'imagine, à ce niveau-là. C'est pas stressant, ça me rajoute du travail. Puis c'est ça. Donc ben voilà. Sébastien Nollet qui dit: si tu avais à créer un nouveau jeu Castlevania, tu ferais. Le ferais de quelle façon? Symphony of the Night ou Old School comme Castlevania 1, mettons? Ben tu vois, il y a beaucoup. Oups, excusez, j'ai une petite notification ici. Il y a beaucoup de... Qu'est-ce que c'est? Voyons. On manque pas de Castlevania présentement avec Bloodstained. T'sais. Bloodstained Curse of the Moon, ça refait exactement ce que j'aurais voulu de faire comme Castlevania 2D classique. Le 2, j'ai pas beaucoup... je l'ai pas fini encore. D'ailleurs, je veux le refaire au complet comme il faut concentrer. Mais le 1, man, j'ai complètement capoté. Je redécouvrais, c'était Castlevania, tu sais. Donc, c'est fait. Puis, Symphony of the Night des Metroidvania, j'en joue non-stop, là, tu sais. Fait que, pour être franc, je sais pas trop quoi dire. Je trouve que on est déjà 100% comblé. Mais, j'aime autant les deux, tu sais. Si tu me dis, ouais, mais quel type de Castlevania t'aimes mieux, tu sais. Metroidvania ou classique? Ah, man, j'adore les deux, tu sais, carrément, tu sais. Castlevania 3D, ça, j'aime vraiment moins. Donc, 2D classique ou Metroidvania. Mais moi, j'ai aucun problème à faire les niveaux les uns après les autres, tu sais. J'aime jouer au NES, fait que j'aime bien ça. Patrick Doyon, t'en es où pour le set Super NES? Je m'ennuie de la présentation de tes acquisitions de la semaine comme tu faisais régulièrement pour le Game Boy. Oui, je vais le refaire à Retro Nouveau quand Retro Nouveau va repartir, tu sais. Puis d'ailleurs, on enregistre cette semaine, ça sera pas parfait, mais je vais. Bruno aussi commence à ramasser du stock pas mal, fait que on va faire un peu d'or. La section hors gris, les aventuriers de l'or gris. Je vais mettre là, mes acquisitions avec un décompte là, pour que ça soit funné. Mais si tu veux des chiffres, je vais te sortir ça à l'instant. Je ne sais pas exactement précisément combien il est supposé avoir de jeux dans le set Super NES. D'après mon application, 724, mais je suis à peu près certain que c'est pas correct parce qu'il doit y avoir des pales là-dedans ou des Player's Choice ou des cochonneries. Je veux pas de Player's Choice, je veux juste comme les jeux normaux. D'après mon application, je suis à 42,82%. J'ai 310 jeux sur 724. Donc, ça l'a vraiment augmenté dernièrement. Puis genre, hier, en magasin, on a reçu d'autres jeux, dont un jeu que j'ai failli acheter ailleurs, puis que, Dieu merci, je ne l'ai pas fait, parce que, boum, comme par magie, il est apparu hier en magasin. Je suis comme, wow, tu sais, est-ce que j'aime ça? Un jeu à 100$. Est-ce que j'aime ça quand ça arrive, ces affaires-là? Donc c'est ça. Mais donc voilà les chiffres, Pat, et puis ça va revenir à Retro Nouveau. Je vais faire une petite interface là. On va s'amuser avec ça. Là. Aujourd'hui, on reçoit la table. On a commandé une table pour Retro Nouveau. On a les pieds de micro. On va on va refaire un setup un peu. On va travailler là-dessus. Cédric quoi? Ou Cédric Coy. Allô Dom, Bloodstained Ritual of the Night sur Switch vaut-il la peine? Vaut-il mieux y jouer sur une autre console selon toi? Première question, oui, il en vaut la peine. C'est un excellent Metroidvania. Si t'as aimé Symphony of the Night, tu vas aimer ça. Je veux dire, c'est le même gars derrière avec pas mal de gens qui sont habitués à Castlevania. Donc, oui, moi j'ai beaucoup aimé ce jeu-là. Puis j'allais être critique, très critique par rapport à ça et j'ai adoré. Le jeu, il y avait bien des bugs au début quand il est sorti, surtout énormément sur Switch. Ils en ont réglé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais tu sais, ce jeu-là est disponible sur toutes les plateformes. Fait que prends la plateforme la plus performante. Puis si tu as toutes les machines chez vous, prends la plateforme la plus performante. Puis go. Sinon, joue sur Switch si tu veux jouer au portable. Il n'y a pas vraiment d'autres réponses à ça, je te dirais. Stéphane Beaumier, es-tu amateur de musique? Si oui, fais 5 minutes sur tes groupes préférés. Et j'ajouterais, si tu avais un seul groupe live à voir, mort, vivant, séparé, peu importe, quel serait ton choix et pourquoi? Bonne chance. C'est très, très difficile. Vous savez, j'en ai tiré un peu là. J'ai eu des stades dans ma vie. Quand j'étais jeune, la musique que j'écoutais, c'était du jeune, genre, là, 8 ans en montant, là, jusqu'à l'adolescence, mettons, j'écoutais du hair metal, du glam metal. Donc, j'étais très, très, très grand fan de Motley Crue. J'ai beaucoup écouté de Motley Crue avant Kiss. Toutes ces bands-là. J'écoutais les cassettes à ma sœur, en fait. Ma sœur plus vieille, de 5 ans, avait plein de cassettes. Fait que j'essayais tout ça. Tout ce qu'elle avait, je l'essayais. Du Winger, du Europe, Honeymoon Sweet. Il y avait des affaires moins cheesy aussi, Poison, mais il n'y avait rien de trop, trop metal, il n'y avait pas du Pantera, du Metallica, du Megadeth dans les affaires à ma sœur. Fait que j'étais très hair metal, féfille, désolé, je ne veux pas sonner sexiste, mais les gars avaient l'air de des filles aussi, fait que c'était très pop là. Donc, mais pour moi, tu sais, ça, c'était hot, tu sais, j'écoutais Solid Rock, la musique plus, puis j'espérais voir les vidéos. Skid Row, tu sais, ça commençait. Après ça, le grunge est apparu, et puis j'ai plongé là-dedans avec Nirvana, comme tout le monde. Et puis là, j'ai bifurqué un peu, j'étais Soundgarden, tu sais, comme Stone Temple Pilots, c'est un band que je continue d'aimer à ce jour. J'ai les deux premiers albums de Pearl Jam, j'ai décroché à Vitalogy. Alice in Chains, jamais été fan, pas vraiment réussi. Mais tu sais, c'est ça, là c'était l'alternatif. On écoutait de l'alternatif. Et puis les Big Shiny Tunes, tu sais, il y avait bien des tunes là-dessus. Mais j'essayais tout le temps de rester dans des affaires un petit peu plus underground, tu sais. Mais j'étais abonné à Maison Columbia dans ce temps-là, j'écoutais beaucoup de ça. Je faisais des tests aussi, tu sais. Et puis après ça, on m'a fait découvrir le skate punk. Et puis, avec NoFX, l'album White Trash to Heaps in a Bean. Et puis là, c'est comme... Je suis parti ailleurs, je me suis dit, mon Dieu, mais cette musique-là, ça a toute la puissance que je requiers. Tu sais, c'est incroyable. J'en revenais pas. Sticking in my eyes, man, cette tune-là, avec le petit riff au début, puis après ça... Steven, j'en ai encore des frissons. Puis moi, j'avais commencé à skater dans ce temps-là. Puis, tu sais, quand je skatais, j'étais habillé, genre... pantalon de jogging, poncho, j'écoutais, tu sais, des affaires, j'écoutais du hard rock, puis des affaires. Puis là, un de mes amis d'enfance revenait d'Allemagne. Là, il était baggy pants, chandail de skate, il écoutait du punk, du hip-hop. Et puis, on m'a fait découvrir NoFX un peu avant ça, puis le punk, Bad Religion. Fait que là, j'ai comme changé mon style vestimentaire. J'ai changé de musique. Puis là, j'étais comme, là, j'étais vrai ado cool. Skate, tu sais, j'étais plus un poser là. Fait que Bad Religion, écoute, est un album, est un band que j'adore énormément. Bon, excusez, j'avais une notification. Donc, Bad Religion, c'est un band que j'ai. NoFX, oui, mais avec le temps, Bad Religion a pris le dessus vraiment. Donc, c'est ça. Mais, puis après ça, bon, j'écoutais du hip-hop au travers House of Pain, Cypress Hill. J'écoutais aussi du Primus, que j'aimais bien. Des trames sonores comme The Crow, excellent soundtrack. Et puis, j'écoutais un peu de hip-hop, donc Snoop Doggy Dogg, dans ce temps-là, avait commencé. Puis, Death Row Records, donc The Chronic, Dr. Dre, toutes ces affaires-là. Puis là, j'étais très dans le weed dans ce temps-là, tu sais. On fumait du weed, on faisait le party, tu sais, c'était ma grosse adolescence, ça. Fait que tout ça mélangé ensemble, skate, basketball, gangster rap, skate punk, tout ça en boss. C'est-tu que je rêvais de la ville, là, dans ce temps-là? C'était incroyable. Fait que, puis quand j'ai quitté ça pour aller au cégep à Sherbrooke, là, j'étais vraiment juste dans le hip-hop. Là. Fait que c'était hip-hop, East Coast, West Coast, tout, full-on là-dedans. Pendant toutes mes années, mes trois années de cégep, pas mal. Je me suis fait un ami là-bas, un très bon ami, que lui était dans le skatepunk bien plus à côté que nous, on l'a jamais été. Donc, il m'a fait découvrir des tonnes d'affaires là-dedans. Dans les plus populaires, bien sûr, Millen Collin. T'sais, moi, je connaissais pas ça, Millen Collin. Fait que des affaires de même. Life on a Plate, grand album. Et puis, voilà. Donc, j'ai navigué là-dedans. Puis après ça, j'ai jamais écouté de métal parce que moi, quand j'étais au secondaire, les gens qui m'intimidaient, pour vrai, les gens qui me faisaient de l'intimidation, des gens avec qui je me suis battu, physiquement, pour vrai, puis les gens genre qui s'en prenaient à mes amis, proches et tout ça, c'était tous des métalleux. Avec Metallica, t'sais. Puis eux autres, ils haïssaient ça, qu'on fasse du skate, ils haïssaient ça, qu'on soit de même, tu sais. Fait que ça, c'était très campagnard boss, là. Puis on a eu, tu sais, j'ai des affaires non réglées par rapport à cette étape-là de ma vie, tu sais. Puis j'aurais dû consulter, je pense que ça me maintient une espèce de colère en dedans qui va jamais guérir, tu sais. Puis, non, j'ai été... L'intimidation, on pouvait peut-être rigoler avec ça, mais j'en ai subi énormément, tu sais, puis ça a changé ma vie. Donc, les métalleux nous intimidaient, alors il n'y avait aucunement question que j'écoute du métal dans ma vie. Le métal est revenu dans ma vie beaucoup plus tard, 2005-2006. Mon ami Seb Brutal m'a fait découvrir des choses. J'ai réinitié Guitar Hero, m'a replugué avec des affaires. Je me suis écouté des vieux albums de Pantera, puis des affaires comme ça, un peu de Lamb of God, puis tout. Fait que j'ai des grands albums comme l'album de At the Drive-In. Relationship of Command, grand album, ça, de, je sais pas comment dire, hardcore. Donc, At the Drive-In, c'est un album que j'ai énormément écouté. Le emo aussi, le genre de emo est sorti dans ce temps-là, The Used, tu sais, j'écoutais un peu ça. Alexis on Fire, j'ai écouté énormément d'Alexis on Fire. Je pense que j'en écouterai encore, c'était bon. Et, c'était cheesy, mais pas autant que les autres bands emo, screamcore, je sais pas quoi qu'on peut dire. Et puis, j'ai découvert d'autres... Tu sais, comme je me laisse aller, j'ai eu une grosse passe Queens of the Stone Age, band que je continue d'adorer présentement à ce jour. Et puis là, je suis énormément dans le synthwave, Outrun, je sais pas comment le dire, là. C'est ça, là, j'écoute énormément de ça depuis l'ouverture de l'arcade. Tu sais, j'ai comme commencé un peu là-dedans en voulant faire un soundtrack pour l'arcade, et puis là, ça c'est devenu comme, quand je sais pas quoi mettre, je mets ça, tu sais, that's it. Puis il y a des soundtracks de jeux, tu sais, mettons Streets of Rage 4, que j'écoute beaucoup présentement, qui contient de ça, tu sais, des affaires de même. Fait qu'aujourd'hui, ma playlist, des fois j'ai envie d'écouter du vieux hip-hop, old school, tu sais, vraiment. Ou j'écoute du synthwave, j'écoute peu de métal ces temps-ci parce que je trouve ça hardcore, tu sais, puis ça me relaxe pas. T'sais, j'écoute de la musique en travaillant, et puis des fois je peux me remettre du Bad Religion ou un peu de skate punk de même. Donc voilà, gang hip hop, skate punk, synth wave, un peu de métal, ça ressemble à tout. Mais tu sais, j'écoute de tout. Je veux dire, je peux écouter du Elvis, une grosse passe Elvis, John Cash. J'aime ça aussi. Un de mes albums préférés de tous les temps, Midnight Marauders de Tribe Called Quest. Le deuxième album de Ghost, je sais pas comment le dire. Je vais vous le dire. Infestissumam est un album qui m'a flabbergasté complètement. J'adore cet album-là. Encore à ce jour, je trouve ça incroyable. Doggy Style de Snoop Doggy Dogg est un album que j'écoute beaucoup. Bad Religion, j'arrive pas à mettre la main sur précisément un album. Stranger Than Fiction est un album qui m'a... j'ai commencé avec cet album-là, puis j'ai continué après, j'ai creusé avant. Mais l'album All Ages de Bad Religion est une belle compile que j'ai énormément écouté. Donc Bad Religion, moi, ça serait comme un grand greatest hits, des meilleurs hits. Et puis, c'est ça. Ben, l'album White Trash to Weeds and a Bean, pour moi, NoFX, c'est comme un album, très, très, très important. Et puis, très bon, en fait. même si tout le monde va préférer Punk in Public et whatever, moi c'est White Trash. Et puis, c'est ça, guys, c'est ça, là. Assez de musique, donc j'ai pas répondu précisément à la question, j'ai fait le tour. Jonathan Aya, tu parles beaucoup d'hypothèques et d'achats. Je voulais savoir, est-ce que l'argent te préoccupe ou tu es à l'aise de ce côté? Est-ce que tu es du genre à t'endetter pour un achat important ou tu préfères laisser passer si tu n'en as pas les moyens? L'argent me préoccupe énormément. L'argent, je suis pas à l'argent, comme on dit. Mais j'ai tout le temps peur d'en manquer. Donc, j'en ai jamais manqué, puis c'est pas un problème. Quand j'étais jeune, on n'a pas manqué d'argent. J'avais mes cadeaux de Noël, on mangeait bien, on n'a jamais pris l'avion, on n'a jamais fait des grands voyages. Mais ça, je pense que c'est parce que mes parents n'étaient pas de même vraiment, ils n'avaient pas de temps à voyager. Mais j'ai manqué absolument de rien dans ma vie, jamais. Et puis, tu sais, on était classe moyenne, tu sais, c'est ça. Puis aujourd'hui, j'ai pas de problème d'argent, j'en ai jamais eu. J'ai jamais eu à vendre des affaires parce que j'avais plus d'argent. Mais j'ai tout le temps peur que ça devienne le cas. Et puis présentement encore plus parce que quand j'ai créé mes entreprises, moi j'étais travailleur autonome à temps plein. Je faisais des mandats pour des clients à temps plein de graphisme, de design graphique. Puis là, j'ai commencé à faire des soirées au Funzo. Puis là, j'ai commencé à vendre des jeux. Puis là, j'ai commencé à travailler, à m'amuser avec des projets reliés au gaming parce que ça me passionnait, tu sais. Alors, j'ai fait un peu moins de graphisme. Là, on a fait un bar. Puis là, je faisais un peu moins de graphisme. Puis là, on a ouvert une boutique, tu sais. Puis ça finit que le graphisme a pris le bar pas mal. Donc, ma réelle carrière pour laquelle j'ai étudié et que j'ai travaillé pendant de 2003 à 2016, tu sais, comme moi j'ai travaillé en agence, j'ai fait plein d'affaires, tu sais, puis tout ça, je l'ai comme laissé aller pour mes entreprises. Mes entreprises fonctionnent et sont rentables, donc tant mieux, ça me donne de l'argent, mais si jamais tout ferme, là je me revire, c'est quoi ma carrière à cette heure est abandonnée, là, tu sais, elle a plus une grande valeur, donc tu vois, moi ça c'est comme un aspect qui m'inquiète un peu. Cependant, encore plus là parce que l'arcade est en COVID, puis c'est pas payant, tu sais. Fait que moi j'ai lâché complètement le graphisme pour vivre de mes deux entreprises. Puis pas longtemps après ça, la COVID a embarqué, puis je perdais une de mes deux entreprises. Fait que j'ai perdu beaucoup de revenus, tu sais. Annuel, là. Moi, je suis posé vivre sur pas mal plus que ça. Là. Fait que depuis 2 ans, je vis sur pas grand-chose, tu sais. Mais d'un autre côté, le magasin RetroMTL est tellement en expansion. Je pense que le fait que je sois présent, ça aide aussi à développer ce projet-là, tu sais. Fait que là, je mets toutes mes œufs dans... je mets toutes mes chips là-dessus. Le bar continue, il va revenir payant un jour, je l'espère. Mais entre-temps, je mets toutes mes chips sur RetroMTL en voulant faire grossir cette entreprise-là le plus possible. Et puis, après ça, qu'elle vive tout seul, puis qu'elle me paye, puis moi, j'irai jouer au golf, il faut que je fasse autre chose, tu sais. C'est ce que je veux faire. Mais présentement, de mon propre gré, je décide de vivre avec pas mal moins pour faire ça. Puis le pire, c'est que présentement, j'ai beaucoup de dépenses, mais... parce que mon plus vieux, il va au collège privé, il joue au hockey au collège privé, ça coûte cher. J'ai jamais eu ma maison, on a un triplex, beaucoup de taxes, beaucoup de réno, beaucoup de dépenses. Je m'achète un Stadium Event, que j'ai payé avec mon argent. Mais bref, beaucoup de dépenses alors que j'ai peu de revenus. Mais je me dis, si je m'habitue à ça, je vais être comme à l'aise tout le temps. Fait que c'est ça. Mais... je suis fait de même, l'argent, j'en veux, vous en voulez, vous autres aussi, on a le droit de dire ça. Tout le monde veut de l'argent, je ferais rien de tout ça si c'était pas payant. Alors c'est payant, c'est pour ça que je le fais. Je veux que ça soit encore plus payant parce que je veux être à l'aise. On veut tous de l'argent. Et puis, mais je veux pas ça dans le but d'être multi... j'ai pas d'objectif, genre je veux être millionnaire à 50 ans. Moi je veux juste comme bien vivre et avoir du fun, tu sais. Fait que c'est ça. Mais ça c'est dans ma nature, j'ai tout le temps peur d'en manquer. Puis quand on fait, tu vois la première étoile du soir, tu mets un 5 cents dans une fontaine, tu as droit à un vœu. La plupart du temps, mon vœu, c'est de jamais manquer d'argent. Je sais pas pourquoi, je fais de même. C'est drôle que tu me poses cette question-là, tu l'as senti. Puis si tu dis que je suis du genre à m'endetter pour un achat important, ou tu préfères laisser passer si tu en as pas les moyens, ça dépend de quel type d'achat qu'on parle. Tu sais, ma preuve... t'as pas le choix de t'endetter pour t'acheter une propriété, une maison, tu sais. Moi, quand j'ai acheté ma première maison, j'avais de l'argent de côté. J'avais 20 000, 24 000 que j'ai mis de côté en virement automatique à toutes les fucking semaines de ma vie depuis que je suis sorti de l'école. Puis quand je suis sorti de l'école en 2003, puis rendu en 2011, j'avais un coussin de 20 000, 25 000 que j'ai grâce à ça. Moi, je le vois pas, ça. Ça se fait tous les mois, ding, ding. Puis avec ça, j'avais un cash down pour acheter notre première maison. Puis grâce à cette maison-là, qui a pris de la valeur pendant 7 ans, dans laquelle on a élevé nos enfants, on a vendu cette maison-là, avec, puis on a fait énormément de profit. On a pu s'acheter un triplex. Puis là, mon triplex prend de la valeur, tu sais. Moi, c'est pas moi qui fais de l'argent. Moi, j'ai jamais une paye de plus que 50-60 000 $ dans la vie, là, tu sais. C'est pas... Mais j'ai des actifs. J'ai des actifs parce que au point de départ, j'ai été économe, puis je me suis fait un chunk d'argent que d'autres auraient peut-être dépensé en vêtements, en party, en voyage. Puis j'ai utilisé ça pour m'acheter une propriété. Fait que, mais ça, c'est moi qui a peur de manquer d'argent et qui veut des propriétés. T'sais. Peut-être qu'il y a du monde bien heureux dans la vie qui voyage partout, puis je suis bien jaloux de ça. Mais qui n'ont pas aucune scène de côté, mais qui ont vu la vie. T'sais. Moi, je vais crever dans ma propriété. Les autres vont crever avec des souvenirs dans leur tête. T'sais. Chacun est fait comme il est fait. Mais je vais pas m'endetter. T'sais, si j'avais pas eu l'argent de m'acheter un Stadium Events à 16 000 $, je l'aurais pas acheté. T'sais. J'en ai pris une partie sur mes économies personnelles, j'en ai pris un peu sur ma marge de crédit. T'sais. Si tu parles par rapport à la collection, achète ce que tu as besoin parce que le prix va monter. T'sais. Mais mets-toi pas dans la merde non plus. Mais je vais pas acheter quoi que ce soit. Je veux dire, on a fait faire la cour, on a fait faire les galeries, sur le bloc, et puis clairement on n'avait pas cet argent-là parce qu'on a mis notre argent dans l'excavation du sol, mais ça, on l'a mis sur notre marge hypothécaire, puis après ça, on a renégocié ça, puis tu sais, comme, on l'a tout mis là-dedans, puis on va payer plus longtemps, tu sais, mais nos paiements sont les mêmes, même sont plus bas parce qu'on a négocié un taux plus bas, fait que c'est ça. Dans la vie, tu peux pas, faut pas que t'attendes non plus d'avoir de l'argent pour faire de quoi. T'auras jamais assez d'argent pour tout faire, tu sais. C'est comme, ça prend un peu d'argent, tu sais, mais il faut que tu sais, quand j'ai ouvert le bar, je l'avais pas, moi, là. J'avais besoin des dizaines de milliers de dollars. Je l'avais pas. Je l'ai pris sur la marge hypothécaire. Puis c'est un risque, et puis ça a marché. Puis je l'ai repayé en un an et demi. Puis après ça, c'est de l'argent dans mes poches, tu sais. Fait que, faut que tu prennes des risques dans la vie. C'est comme ça. Mais fais des bons risques, là, tu sais. Calcule tes affaires. Fait que voilà. Benoît Landry, animaux de compagnie, pour ou contre? En as-tu déjà eu plus jeune? Ouais, c'est ça, donc ça va revenir des jokes, ça. Là, ouais, je chie sur les animaux de compagnie, mais je vais arrêter, là, tu sais. Tout le monde autour de moi en ont, fait que c'est vos affaires, si vous voulez avoir des affaires à gérer. Je vais répondre à la question, j'en ai déjà eu plus jeune. Comme tous les enfants, je voulais un chien, tu sais. Bien sûr, je m'en serais jamais occupé. Parce que, tu sais, on a, oh, je veux un chien, je veux flatter le chien, mais tu ramasses pas la marde, tu t'achètes pas le manger, et puis tu ramasses pas le poêle, puis c'est pas toi qu'il faut qu'il se trouve une gardienne quand tu pars en voyage ou tu quittes la maison. Fait que voilà. Mais mes enfants, ils en veulent un chien, mais ils en auront fucking pas, parce que j'ai deux enfants. Dans ça, d'affaires à ramasser de même. Cela dit, moi, quand je vais au biodôme, j'aime le bassin des crustacés. J'aime ça regarder les petits crabes, les palourdes, les concombres de mer, les tout ce qu'il y a des ventouses là, puis qui bougent pas trop là. T'sais. Moi, j'aime ça, le fond marin, t'sais, la merde dans le fond marin. J'aime ça regarder ça, c'est comme un petit univers. Donc, j'aime ces affaires-là. Quand j'étais jeune, je pêchais les salamandres, les lézards, comme on disait. Et les écrevisses, et puis dans les ruisseaux, là, en brousse. Et puis j'ai une écrevisse qui, man, j'en pêchais plein. À un moment donné, je l'ai pogné une pas pire grosse, puis je l'ai gardée dans un bocal, dans ma chambre. Je donnais de la bouffe à poisson, là, genre, puis elle a survécu grâce à ça, apparemment, ou elle mangeait sa marde, je sais pas. Mais, tu sais, en mangeant ta marde, comme, là, tu chies, tu manges ta marde, ton gars en garde, il t'en chie encore, tu remanges ta marde, il y en a moins, tu comprends? Fait qu'à un moment donné, il n'y a plus de marde, à un moment donné, il n'y a plus rien, fait que tu meurs. C'est des belles discussions, ça, que j'ai avec vous ce matin. Donc, tu peux pas vivre en mangeant ta marde exclusivement. Donc, j'imagine qu'elle mangeait ça, la bouffe à poisson que j'y donnais, mais elle a vécu pendant un an et quelques, tu sais, une écrevisse de ruisseau là, que je mettais dans un bocal, là, c'était incroyable. Là. Fait que, man, j'ai adoré cette écrevisse-là. Puis, j'achetais, mes parents m'achetaient des crabes violonistes. Donc, c'est un crabe, ça, avec une très grosse pince puis une petite pince. Donc, la grosse pince pour se battre puis la petite pince pour ramasser la bouffe au sol puis se nourrir. Puis ça, des crabes violonistes, j'en ai eu plusieurs. Il y en a un qui a trophé super longtemps. Et puis, les autres sont morts rapides. Je leur donnais ce qu'il fallait. Là, je me rappelle plus de quoi. Là. Fait que j'aimais avoir des crabes, tu sais, puis des écrevisses, des affaires de même. Ça, j'aimais ça. J'ai eu des tortues aussi, deux petites tortues oreilles rouges. Il y en a une qui est décédée. La plus active est décédée assez rapide. L'autre, elle a toffé super longtemps. Mais tu sais, je prenais soin de mes affaires. Là. Je les nettoyais, puis tout, je brossais leur carapace avec une brosse à dents, puis tout. Fait que mes petites tortues. Fun fact aussi pour un de mes crabes à un moment donné. Je m'en souvenais toute ma vie. Un de mes amis voulait voir le changement d'eau des crabes, du crabe, tu sais. Fait que je l'ai fait ça dehors pour y montrer, tu sais. Fait que j'ai pris l'eau de la hausse, de l'arrosoir, pour remettre de l'eau dans le bocal un coup que tout était nettoyé. Mais dehors, l'eau est fucking glaciale, tu sais. Fait que quand j'ai remis le crabe dans l'eau, il a comme figé. Là, il bougeait plus. Je suis comme, voyons, crabe, je le poquais. Figé, pauvre crabe. Hey, il est pas mort de ça. C'est comme si je te plonge dans l'eau la plus glacée, tu sais, en Antarctique ou whatever. Demain, pas d'un coup. T'sais, clairement que tu vas être pétrifié. Donc, ce crabe-là a survécu ce choc thermique. Bravo, crabe. T'es très bon. T'es très bon. Et puis, c'est ça. Puis, à un moment donné aussi, j'ai eu une très grosse tortue. Genre, grosse de même. Celle-là, je l'ai eu pendant un bout. J'ai fini mon université avec, et puis, je sais pas, j'ai eu ça pendant 2-3 ans. Et puis, à un moment donné, j'étais tanné là, de gérer ça. Ça tu sais, quand on parle de marde, dorénavant, tous mes podcasts vont parler de marde animale quelconque. Donc, la marde de tortue, ça y va, ça n'en fait. Puis, il fallait changer l'eau à tous les jours. J'étais vraiment écœuré, là, tu sais. Puis, ça fait du bruit, puis tout. Puis, ça graffine, ça mord, c'est violent. Mais ma blonde aussi avait une énorme tortue, pareil, étrangement. Puis un jour, on est allé les porter à SPCA et puis ça a été la fin des animaux. Mais j'aimerais ça, moi, un jour, avoir un gros aquarium, tu sais, plein de poissons, plein de crabes, ça, j'aime ça. Donc, c'est les animaux de compagnie que j'aime bien. Où suis-je? François Dicantil. Est-ce que la collection de jeux japonais t'intéresse? Pourquoi? Ça m'intéresse pas. Parce qu'il y en a ben trop, puis je veux pas partir en fou dans un autre projet. Par contre, s'il y a des exclusivités japonaises, tu sais, de certaines choses, peut-être je pourrais les avoir. Tu sais, à un moment donné, je me suis dit, je vais acheter les jeux Famicom qui m'intéressent, complets en boîte, mais juste les jeux Famicom, tu sais, pour que ça soit beau, parce que les boîtes sont toutes petites, sont super belles. Mais je voulais pas, finalement, je suis comme Chris, chacun de ces jeux-là coûte 200-300$. Faut couper hein, des places, sinon on va se ruiner. Puis voilà, j'ai des jeux japonais dans ma collection, bien sûr. Le genre de PS1, Gradius Gaiden. Couple de jeux PS2 aussi. Dodonpachi 2, genre. Des affaires de même, des shmups. J'avais une grosse collection Saturn japonaise, des shmups japonais, des affaires. J'ai tout vendu ça parce que j'ai le mode de Terra Oignon maintenant. Mais quelques jeux japonais, des shmups surtout, effectivement. Mais je veux pas m'enfoncer là-dedans. Bruno Fizet. Dans l'interminable quête du collectionneur, aujourd'hui, est-ce que tu préfères trouver des éditions print des jeux plus rares ou si tu privilégies l'état et l'apparence des morceaux en premier ou tu veux les deux? Des éditions rares... non. Même que je préfère des éditions standards parce que ça prend moins de place, là, tu sais. Fait que, mais en tous les cas, peu importe que ce soit rare ou non, moi je veux. Tout le monde poke mille fois. Moi je veux des. Je veux des jeux en bon état parce que je veux pas faire des upgrades plus tard. Moi je le trouve à 2$, tu sais, dans le. Attendez une seconde. Je vais juste répondre à ce message-là. Parce que il y a du monde stressé. Donc, je priorise l'état. Je veux des jeux en bon état parce que ça me tente pas de faire des upgrades plus tard. De là, la façon consciencieuse que je fais le full set Attendez. Ok, donc, on recommence la question. Dans l'interminable quête du collectionneur aujourd'hui, est-ce que tu préfères trouver des éditions print ou des jeux plus rares? Ou si tu privilégies l'état et l'apparence des morceaux en premier? Donc, c'est ça. Tu sais, mettons, là, il me manque des gros jeux de Super NES dans mon set, je sais pas, Harvest Moon. J'ai besoin de ça. C'est rendu une couple de centaines, ça, là. Je vais pas acheter un Harvest Moon scrap, tu sais, parce qu'il va falloir que je l'upgrade plus tard. Fait que ça, je veux rien savoir de ça. Et puis, mais tu sais, les. Mettons, si on recule dans le temps où est-ce que je faisais pas un full set NES, dans le temps où est-ce que je faisais aucun full set, puis je collectionnais, ben je voulais acheter des jeux parce qu'ils sont bons, que ce soit NES, Super NES, Game Boy, whatever. J'achetais des jeux que je voulais essayer, tu sais. Puis, mais je voulais pas des éditions, je voulais pas des jeux rares nécessairement, tu sais. Mettons, au NES, je voulais Rygar parce que j'aime Rygar. Je voulais acheter des jeux à 10$ parce que je voulais les essayer, puis je pensais que c'était bon. Et puis, si c'est bon, je les garde, t'sais. Puis, à ce moment-là, j'étais pas prêt à mettre beaucoup d'argent sur des pièces rares, mais mettons, pas bonnes, des gros jeux pas bons. Mais, comme là, j'ai Stadium Events, t'sais, on s'entend que c'est le moins bon jeu. Mais là, j'étais à ce level-là parce que c'est ce que je veux au NES, t'sais. Et puis, par contre, je vais me restreindre à certaines choses dans le Super NES. Je vais pas acheter les Star Fox ni le Donkey Kong Country là, Competition Cards. Et puis, au NES, tu sais, mettons, voyons, le jeu de compétition, là, le NES. Voyons, t'sais. Vous savez de quoi je parle, là. Il y a des cassettes avec le label blanc, puis il y en a en or, là, tu sais. Ça, c'est cher, t'sais. Si on me propose ça, pense pas que j'achèterais ça, là, t'sais. C'est... Ben, d'un, j'ai pas les moyens. C'est quoi ça? C'est 30 000 piastres, ces affaires-là? J'en ai aucune idée. Et puis, par contre, si on me le propose à 15 000, peut-être, mais non. Là, je suis rendu vraiment à un niveau où est-ce que je me restreins beaucoup puis que j'arrête de perdre la tête. Et puis, déjà, de faire un full set Super NES, c'est complètement cave. Donc, faut pas que la caverie aille à l'extérieur de ça. Alexandre Morin, qu'est-ce que vous regardez pour vous assurer de ne pas acheter des jeux fake? C'est une bonne question, les jeux. Ben, c'est l'habitude, hein? Souvent, c'est les labels, là, tu sais. Le dessin est étiré. Surtout les jeux Game Boy Advance et Super NES. Les labels, tu les vois. C'est le signe, le logo Nintendo, le seal Nintendo aussi. Les labels sont imprimés en numérique. Donc, une imprimante numérique très glossy, très shiny, très shiny sur les fake labels. Puis dans le temps, c'est imprimé sur des presses, tu sais. Fait que le rendu d'une presse, si le or du seal Nintendo, il est comme supposé être or, tu sais, il va être or, tout va être bien aligné, tout va être clean. Tandis qu'en numérique, c'est comme... C'est trop shiny, c'est fake, c'est plastique, tu sais. Puis les jeux de Game Boy Advance aussi, le logo Nintendo en gravé à l'arrière, il est pas parfait, tu sais, il est comme trop mince. C'est pas pareil, c'est écrit Game Boy Advance, mais c'est trop mince aussi. Donc, c'est ça. Sinon, ouvrez les jeux, bien sûr, regardez les boards, googlez, genre, je sais pas moi, Wild Guns board au Super NES. Puis tu compares ce qu'il y a sur Google avec ce que t'as entre les mains, ce genre d'affaires-là. Mais il y a des jeux aussi qui peuvent être originaux, mais qui ont des fake labels, parce que les gens ils ont décidé d'acheter un fake label parce que le label original était déchiré. Moi, personnellement, je préfère vraiment avoir un label déchiré, original, qu'un faux label sur ma vraie carte. Ça devient des problèmes, ça, d'ailleurs, d'authenticité, tu sais. Donc, c'est ça. On a eu en magasin une fois, puis on s'est fait prendre des jeux de DS, de Pokémon, où est-ce que, tu sais, c'était vraiment bien fait, là. Tout le brillant là, de Pokémon Pearl, il était comme véridique, tu sais, c'était vraiment bien fait, là. Donc, c'est dur. Des fois, c'est dur. de voir, mais tu sais, comme avec l'habitude, pour être franc, sur les spots assez vite là maintenant. Alan Bernard, parle-nous de ta vision d'entrepreneur dans 10 ans pour tes deux business. Comment les vois-tu évoluer ou si as-tu d'autres projets en vue? Comme je le dis souvent, mon troisième projet est un projet de bière. Moi, ce que j'aimerais présentement, j'aimerais ça qu'on prenne Arcade MTL puis qu'on fusionne ça avec un brasseur puis qu'on ouvre dans une grande place, t'sais. Ça serait nice. Grande place où est-ce qu'on fait notre bière, on fait notre bouffe, il y a des arcades, pas de cover à l'entrée, les machines sont payantes, plus facile de gestion, peut-être ça serait moins payant, je sais pas. Et puis, ça serait comme une façon de réaliser mon rêve bière en même temps qu'avoir l'arcade. Puis tant qu'à y être, on loue l'immeuble au grand complet, puis on met Retro MTL au rez-de-chaussée ou en haut sur le site. Tout mon univers dans la même bâtisse, tu sais. Ça, c'est comme une utopie que j'ai, là. Avoir un gros monument, et puis là-dedans, il y a tout. Tu peux acheter des jeux, tu peux aller aux arcades, tu peux boire de la bière, tu peux manger, tu peux avoir du fun, tu peux louer ça, tu peux faire des événements. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup si je réussis. C'est ce que j'ai toujours voulu faire, en fait. C'est ce que je faisais dans mes petits locaux que je louais au début. Je faisais le party, je faisais des arcades, je vendais des jeux, mais c'était à minime échelle. Là, j'aimerais ça à grande échelle, tout ensemble, tu sais. Fait que ça va-tu arriver un jour? Je sais pas. Mais l'arcade puis la bière, ça pourrait être possible, ça, d'après moi. Et puis, mais pour mes deux autres business, écoute, dans 10 ans, hein, tu sais, un bar, ça vit-tu si longtemps que ça? Je sais pas. Le nôtre est thématique, il y a peut-être plus de chances de survie. Mais en toute honnêteté, présentement, c'est très difficile. On manque d'employés, même que là, on considère fermer les mardis, mercredis aussi pour reconcentrer les shifts. Les employés ne veulent pas travailler, tu sais, les soirs plus tranquilles. Puis, les gens ne veulent plus travailler présentement. Ils sont encore sur le chômage, c'est les restants de la PCU, là, tu sais. Puis, la COVID est trop présente encore. Pour que je sois capable de faire des plans, c'est pas comme avant, là, présentement. C'est pas comme avant du tout, là. C'est tough, c'est beaucoup de gestion, c'est déprimant, c'est pas payant, c'est gossant, tu sais. J'en suis à un point où ce que je me dis, on devrait-tu comme juste fermer ça, puis ça vaudrait-tu la peine, tu sais. Ça vaut-tu la peine qu'on se fasse chier, là. Tu sais, rendu à mi-2022, mettons, là. Ça va être. On va en être où avec cette crise de COVID-là, là, tu sais. Faut que ça arrête un moment donné, là, parce que on peut pas vivre des années là, de même là, sur le respirateur artificiel, là, t'sais, à pas faire d'argent, puis à s'évertuer, à engager du monde, le monde s'en va, réengage du monde, le monde s'en va, change ci, change ça, le monde a des questions, avez-vous le passeport, faut-tu mettre des masques, vous avez aucune idée à quel point c'est fucking pénible présentement. Fait que 10 ans est une très grande projection. Mais la projection est que peut-être je pourrais merger ça avec autre chose, comme je l'ai mentionné tantôt. Puis pour Retro MTL, moi, je mise gros. Je veux qu'on devienne EB Games, t'sais, avec des jeux dedans. Moi, cette entreprise-là, je veux qu'on pousse ça aussi loin que ça peut aller. Et puis, on s'apprête à faire des gros steps présentement. Et puis, j'y crois. Puis, on a plein de défis. Bien sûr, on a des défis. Le monde, tu sais, comme c'est drôle, des fois, il y a des gens, je le dis encore, là, des fois, là, je vais chez des gens, on jase, tu sais. Je pense que le monde réalise pas l'ampleur qu'est l'entreprise Retro MTL présentement. Et puis, je veux qu'on expande ça, qu'on explose ça au maximum, puis je veux qu'on soit sur la map en tabarnak. Comme Astérix, là, au début, quand le pic romain, il pique dans la carte, là, moi, je veux le pic Retro MTL pique dans le Québec. Ça craque partout. Donc, c'est ça que je vise. Billy Soul. J'ai entendu dire que le Mario à 1 million qui a été vendu serait une façon de blanchir de l'argent. Ton opinion là-dessus? Merci pour votre show. Je te recommande d'aller écouter la vidéo qui est sortie là, par rapport à ça. Tu vas vraiment avoir toutes les réponses que tu cherches là-dedans. Blanchir de l'argent? Non. Mais tu sais, il y a du magouillage, mettons, de la manipulation en dessous de ça pour faire exploser le marché, pour que les gens qui sont derrière ces entreprises-là puissent se créer de l'ouvrage pour les années à venir et se mettre de l'argent dans les poches. Donc, c'est pas une opinion, c'est des faits relatés dans la vidéo. Donc, tu peux aller voir cette vidéo-là. Et dernière question de Stéphanie Marcellet. Est-ce que tu penses que l'Atari Jaguar... Qu'est-ce que tu penses de l'Atari Jaguar et de ses jeux? Est-ce que tu penses que ça serait intéressant d'en débuter une collection? J'ai été propriétaire d'une Atari Jaguar et dans ma folie, je me suis dit, je vais faire un full set de jeux Atari Jaguar complet en boîte. Et puis, j'en avais une bonne gang pareil. Et puis, c'est pas le fun de jouer à l'Atari Jaguar. C'est une console pas bonne et puis les jeux sont pas bons. Bien sûr, il y a des exceptions. Je ne sais pas combien il y a de jeux dans cette librairie-là, mais tu sais, bon, il y en a, mettons, au maximum 10 là, qui peuvent valoir la peine. Mais là, à un moment donné, j'ai tout vendu mes jeux Jaguar. Je me suis dit, non, ça suffit, là, ce délire-là. Là, je veux pas... Arrête de full-setter chaque style d'affaires que tu possèdes. Là. Faut pas faire ça. Fait que j'ai coupé ça. J'ai coupé ce membre. Et puis, j'ai tout vendu mes jeux d'un coup à quelqu'un. J'étais comme super content de trouver quelqu'un qui voulait ça. Mais les jeux étaient super propres. Donc ça, c'est parti, mais je gardais ma console parce que il y a une flash cart qui allait exister. Mais le créateur de tout ça, c'est HD, je sais pas quoi, ou faites des recherches sur le site de Atari Age, vous allez le trouver tout de suite. Mais le créateur de tout ça, ça y a pris beaucoup de temps là, avant de finir de faire sa flash card. Puis pendant la COVID, j'ai écrit comme « Je pense que ça s'en vient. » Il savait pas les parts, la COVID, c'est compliqué. Mais cette flash card-là existe. Puis elle contient tous les jeux de Jaguar et les jeux de Jaguar CD. Puis un adapteur Jaguar CD et les jeux Sega CD, c'est très dispendieux. Et c'est pourri. Donc, moi, si vous voulez vous essayer sur la Jaguar, comme pognez-vous cette flash card-là. Faites une recherche là, sur Atari Age, vous allez trouver des liens. Parce que la personne qui fait ça de chez eux. Puis il y a aussi Flash Card Lynx, 7800 même, je pense. Donc, c'est quelqu'un dédié qui fait les flash cards d'Atari. Et puis, c'est la meilleure façon, à mon avis, d'explorer la Jaguar. Mais est-ce que c'est intéressant d'en débuter une collection? Faut que t'aimes ça, là. Tu sais, ça va coûter cher, là, vraiment, pour des affaires plates. Tu sais, moi, j'aime la marque Atari. Je collectionne Atari 2600. Puis, j'ai pas mal de ce qu'il me faut, un peu de 7800. Lynx, je vais essayer un peu. Peut-être je vais me pogner la flash card pour ma Neo Geo, Analog Pocket. Jaguar, j'ai décidé de vendre ma machine. J'avais une machine complète en boîte. J'ai tout vendu ce que j'avais de Jaguar. Je me dis non. Fait que je me dis que si moi, amateur d'Atari, j'ai décidé de couper le Jaguar de ma vie, vous qui aimez peut-être pas autant Atari que moi, je pense pas que vous allez y trouver votre compte et que ça vaut vraiment la peine. T'sais. Par contre, j'aimerais bien faire une soirée Jaguar et puis essayer plein de jeux sur la flash card, t'sais, plein de jeux là-dedans qui sont broken. Mais ça peut faire des beaux parties quand même, juste au moins pour essayer ça. T'sais. Donc voilà, chers amis, 1h20 déjà de spectacle. Faut vraiment que j'aille travailler. Ah, je vais faire mon étirement là! Qu'on va appeler les assurances, les cartes de crédit, esti. Fait que voilà. Hey, c'était bien le fun. Merci pour vos questions. C'est toujours plaisant d'y répondre. Et puis, j'espère que c'est divertissant pour vous d'écouter les réponses. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Demain, mercredi, le 21 septembre, on enregistre Rétro Nouveau. Rétro Nouveau revient. Et puis, moi maintenant, je joue au hockey sur glace les mardis soirs à 10h. Ce qui veut dire que je me couche à peu près vers 1h du matin. Donc, à chaque Rétro Nouveau, je vais être déjà très fatigué. Pour être franc, ça me stresse un peu. J'ai peur de ne pas être performant ou que ça ne me tente pas de le faire parce que je suis déjà épuisé. On va voir comment ça se passe. C'est le seul soir qu'on peut faire parce que le jeudi, mon fils, il y a de la gym. Donc voilà. Mais on verra bien. Donc, Rétro Nouveau de retour demain. Et puis, surveillez ça. Et puis, merci à tous encore une fois et bonne journée!